Il est 13h30, voici Histoire vivante. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Personne ne prétendait être un aventurier avant les alentours de 1900. C'était un personnage extrêmement mal vu. Cette semaine, récit d'ailleurs. Il faut dire une chose importante. C'est amusant d'être journaliste. Des voyageurs aux reporters. Ce film était un essai cinématographique. Et ce que je voulais faire, c'était faire un essai sur le journalisme. Une histoire en renouvellement. Je crois que gamin, j'étais fasciné par l'idée d'enregistrer des choses avec les yeux. On avait le dessin des principales côtes des continents et des principales îles dès les alentours de 1800. Et qui c'est lui ? C'est le journaliste britannique, Robert Fisk. Il me faut quelques informations. On a une autorisation. Montrez-lui. Construire un récit autour d'un journaliste de terrain, à la fois indépendant et engagé, personnalité tout autant déroutante que clivante, à base d'archives publiques ou bien personnelles, c'est le pari du réalisateur Yong Chang. Son portrait est le prochain documentaire d'Histoire vivante. Vous pouvez le voir depuis le début de la semaine sur le site des docs de la RTS ou encore le découvrir dimanche soir sur RTS2. Avant cela et pour notre dernier jour de la semaine, nous retrouvons aujourd'hui ces deux hommes, le journaliste et le réalisateur, sur le plateau de l'université Arlington au Texas pour un moment d'échange et de réflexion que nous pouvons vous donner à découvrir en français grâce à la traduction assurée et réalisée par Étienne Duval. The old ideas of journalism that you've got to be neutral and take nobody's side is rubbish. As a journalist, you've got to be neutral and unbiased on the side of those who suffer. Please welcome Yong Chang and Robert Fisk. L'approche adoptée pour ce film était de construire de façon organique le passé et le présent tout au long du film. Dans le film, on voit de très belles archives, des archives incroyables, où l'on voit Robert à différentes époques. Il y a des images vidéo, mais aussi des archives. On voit un Robert horriblement jeune. Je dois dire que j'avais un monteur incroyable. Beaucoup d'entre vous connaissent le monde du documentaire. Et vous savez que les monteurs sont en fait des réalisateurs, des co-réalisateurs. Mon monteur s'appelle Mike Munn. Il avait monté un film merveilleux, Stories We Tell. C'est pour cela que je lui ai demandé de travailler avec moi. Nous avons réfléchi ensemble pendant un an pour voir comment on pouvait faire des allers-retours dans le temps de façon organique dans le film. L'intention, c'était de produire un effet, je ne sais pas. J'espère que vous verrez ça dans le film. Il faut dire une chose importante. C'est amusant d'être journaliste. Si je ne pensais pas que c'était amusant, je ne travaillerais pas pour l'Independent, je ne travaillerais pour personne. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est de se rendre compte, non seulement en voyant le film, mais en étant sur le tournage, que tu trouvais ça amusant aussi. Pas parce que c'était moi, ça aurait pu être un film sur le Yangtze, mais tu as trouvé ça amusant à filmer. Je crois que le fait que tu ne sois pas mortellement sérieux est aussi important. Est-ce qu'on sent que j'ai un sens de l'humour ? Oui, l'humour est un plus. Bien sûr, il y a eu beaucoup de moments sérieux, du danger. On a dû faire attention. Pour préparer le tournage en Bosnie, il a fallu se préparer. Soyons honnêtes, ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a eu des moments où c'était un défi de suivre l'événement ensemble, de ne pas perdre le fil. Pour moi, il y avait une chose clé, je sais que tu n'aimes pas ce mot, c'était d'avoir la même déontologie journalistique en faisant ce film. C'est différent de la manière dont je fais habituellement des films dits d'observation. Normalement, je peux demander à mes intervenants de traverser le champ d'une certaine façon, je peux composer mes plans. Ça, tu ne l'as jamais fait. On ne pouvait pas avec Robert, il n'aurait pas été d'accord. Et ce n'est pas ce que nous voulions faire. Lorsqu'on raconte le journalisme, on ne peut pas organiser les séquences. Il y a eu une ou deux occasions où tu n'avais pas le bon objectif, où le son ne fonctionnait pas. C'est vrai. Moi, j'appelle ça être empoté. Mais en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, j'étais en train d'interviewer Ben Laden et mon stylo n'avait plus d'encre. J'étais obligé de demander à l'espèce de brute barbu d'Al-Qaïda qui était à côté de moi. Vous n'auriez pas un stylo ? Pendant ce temps, Ben Laden était là. Il vient seulement de me raconter cette histoire. Jung ne connaissait pas cette histoire. Je m'en suis rendu compte par la suite. Quand il traînassait, quand il avait le mauvais objectif, que le son n'était pas branché, c'est comme quand moi, je n'ai plus d'encre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu avec deux stylos. En fait, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai appris beaucoup de choses en regardant ton film, mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses en faisant le film avec toi et en te regardant filmer. C'était très intéressant. Si j'avais connu cette anecdote au moment où je subissais la frustration de Robert parce que j'étais empoté, j'aurais ressorti l'histoire du stylo. Robert Fisk, who is the Middle East correspondent for the Independent newspaper. He holds more British and international journalism awards than any other foreign correspondent. Robert, you talk about journalism being a lot of fun and Robert, vous dites que le journalisme est très amusant. Je pense que ceux d'entre nous qui font des documentaires n'en feraient pas si ce n'était pas le cas. Mais je suis sûr que ce n'est pas drôle de subir des critiques. Et l'une des critiques qu'on risque d'entendre quand on couvre le Moyen-Orient, c'est d'être accusé d'antisémitisme. Il y a beaucoup d'antisémitisme dans le monde, mais parfois, on en accuse un peu facilement les gens. C'est certain. Vous pouvez nous parler de la force de cette critique ? Je pense que l'aspect le plus fort de cette critique, c'est celui qui touche à Hitler et à l'Holocauste. Quand, par exemple, quelqu'un essaye de vous faire honte, de vous toucher en suggérant que vous niez l'Holocauste, que vous niez qu'Hitler incarne le mal, qui disent qu'il est honteux et dégoûtant, ce qui serait vrai si c'était le cas, que vous contestez le droit à l'existence de l'État d'Israël, comme le ferait un nazi. Il y a beaucoup de gens qui disent soutenir Israël, des gens qui n'habitent pas Israël, qui lancent cette accusation, qui disent « vous êtes antisémite ». Fisk est antisémite. Moi, je réponds toujours, et on le voit dans le film, « Écoutez, il y a beaucoup de vrais antisémites dans le monde. Nous devons tous les dénoncer. Mais je vous interdis de mentir de cette façon. Je ne suis pas raciste ». Je crois que ça ressort de façon très nette dans le film. On voit ce type d'accusation. On parle de moi comme d'un homme dangereux, etc. Je pense que le danger pour Israël, parlons-en un moment, c'est que je crois que cette affirmation ne fonctionne plus. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, dont des personnages éminents de la communauté juive aux États-Unis, comme Noam Chomsky, qui se rendent compte que quand on lance cette accusation à tort, cela donne de la crédibilité aux antisémites. Je pense qu'il y a de plus en plus de vrais antisémites dans le monde. En Allemagne, par exemple. Je pourrais citer un célèbre historien britannique qui rentre tout à fait dans cette catégorie. C'est le danger. Si on colle des étiquettes sur les gens à tort, alors le véritable ennemi est épargné. C'est pour ça que je dis aux gens, je vous interdis de me traiter de raciste. Comme je vous l'ai dit, je n'ai vu le film qu'il y a une semaine, mais ça ressort bien. Et je suis content de la façon dont tu as traité de cette question. Another aspect that that can't be fun as a journalist is when you are putting yourselves in harm's way. And il y a un autre aspect qui ne doit pas être drôle quand on est journaliste, c'est quand on se met en danger. Vous avez écrit un papier en décembre 2001 que je n'ai jamais oublié. C'était après l'invasion de l'Afghanistan, et vous faisiez une enquête sur les réfugiés qui quittaient l'Afghanistan. Et il y a eu une bagarre dans la rue, et comme vous êtes britannique, on s'en est pris à vous. C'était une attaque qui me visait, ce n'était pas une bagarre. Les Afghans m'ont vu. L'un d'eux a dit que j'étais Monsieur Bush. Malheureusement, les gens de ce village n'étaient pas très éduqués. Ils ont commencé à me jeter des pierres. J'ai eu beaucoup de chance, un religieux musulman m'a tiré de là. À un moment, je me suis demandé combien de temps ça prend de mourir dans ces circonstances. Et vous avez écrit « J'aurais fait exactement la même chose à leur place ». Yeah, because what had happened is that most of their families had been killed in an American B-52 strike. La plupart de leurs familles avaient péri dans un bombardement de B-52 américain. Et si j'avais été à leur place, j'aurais été tellement furieux que moi aussi je m'en serais pris à Robert Fisk. On m'a beaucoup reproché d'avoir dit ça, y compris une personne qui était très proche d'Israël. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Mais toi, tu as assez bien traité cette question en montrant simplement ces images, en montrant ce à quoi on s'expose. Heureusement, je n'ai jamais été grièvement blessé. C'est ce qui m'est arrivé de pire. Et par rapport à ce genre de choses et aux dangers qu'on voit, et ton film montre très bien les dangers, ça m'est égal qu'on me balance des mots à la figure. Ça ne m'intéresse pas. Je me suis embarqué dans cette histoire en étant conscient de ces attaques au vitriol, même parmi tes collègues correspondants, des choses que les gens disent sur toi. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur toi. On m'a accusé de travailler pour à peu près tous les services secrets du Moyen-Orient, y compris Israël, ou pour les États-Unis. Il faut faire abstraction de tout ça, se dire que ce n'est pas intéressant. Comme tout ce qui circule sur les médias sociaux, il faut prendre son ordinateur, verser tout ça au panier et continuer à travailler. La plupart des films auxquels j'ai participé n'auraient pas évoqué cette question. Le fait que pour des raisons politiques, des gens affirment qu'on travaille pour des dictateurs, qu'on est payé par la CIA, par le Mossad, les services de sécurité égyptiens. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, ils se mettraient ensemble pour m'employer, mais ça, c'est une autre question. Ça ne sert à rien d'essayer de répondre à tout ça. Il suffit de mettre ça à la poubelle. Mais toi, tu as traité cette question. Ça, personne d'autre ne l'avait fait. Pas même Al Jazeera. Moi, la façon dont j'ai réagi à ce vitriol, en tant que témoin qui faisait un film sur toi, ça a été de dire que c'était de la foutaise. Moi, je voyais quelqu'un qui était guidé par son éthique journalistique. La définition du journalisme, être du côté de ceux qui souffrent. Ce n'est pas tant ma définition du journalisme que celle d'Amira Haas, une excellente journaliste israélienne que j'admire depuis des années. C'est une amie proche. Je suis allé lui parler et elle ne voyait pas d'objection à ce que tu viennes avec moi. Je voulais voir ce qu'elle considérait comme le pire endroit de Cisjordanie, là où il y a le mur israélien. Bien avant que tu viennes avec ta caméra et ton fouet de réalisateur, je lui avais dit « Les journalistes au Moyen-Orient sont les premiers témoins de l'histoire ». Elle m'avait répondu « Non, Robert. Notre travail est de surveiller les centres de pouvoir, surtout quand ils font la guerre, et surtout quand cette guerre est fondée sur un mensonge ». Je lui ai demandé si elle voulait bien rencontrer Jung et Durand, en lui expliquant que nous pourrions parler comme d'habitude et que lui et son caméraman nous suivraient. Amira est la fille de deux survivants de l'Holocauste. Sa mère avait été très courageuse. Elle s'était rendue à la Gestapo pour empêcher le massacre de tout un village en Bosnie. Ça se passait en Bosnie, là encore. Amira parle de façon très forte devant le mur. Je pense que c'est une des parties les plus émouvantes du film. C'est d'elle que se souviendront la plupart des gens, pas de Bob ou d'autres personnes qui font une apparition dans le film. Bonjour Amira. Bonjour, bienvenue au Moyen-Orient. Oui, comment ça va? Et vous? Très bien. Ok. Je vous conduis à un nouveau mur qui sépare Bethel et un quartier d'Elbire. Depuis que les manifestations ont repris, les colons sont protégés. Mais j'espère qu'on trouvera un point de vue d'où on pourra observer les deux camps. Très bien, excellent. Vous écrivez en hébreu ou en anglais ? En hébreu. Ils traduisent l'article et je le relis. Mais les termes changent souvent. Par exemple, là où j'écris « checkpoint », eux écrivent « franchissement de la frontière ». Par contre, ils savent que je n'utiliserai jamais le mot « terroriste ». Suite de cet entretien, le journaliste Robert Fisk et le réalisateur à ses côtés, Yong Chang, évoquant le documentaire que vous pouvez découvrir depuis lundi sur le site des docs de la RTS ou encore dimanche soir sur RTS2. Il nous reste à peu près 10 minutes et je voudrais permettre au public de poser des questions. Hi. So Fisk, I've been following your work for a long time. I read your book when I was 15 in 2006. Robert Fisk, j'ai lu tous vos livres. Je travaille avec les médias en Palestine depuis 8 ans, souvent comme fixeur. Je vois des hordes de jeunes journalistes venir en Palestine, en Cisjordanie. Souvent, ils pensent qu'ils vont faire un travail libérateur. J'apprécie ce que vous dites sur le fait que notre travail ne provoque pas les changements auxquels s'attendraient les gens. Si mon travail faisait bouger les choses, vous auriez un État. On voit toujours des journalistes qui viennent nous dire « Si vous nous racontez votre histoire la plus étonnante, peut-être que votre maison ne sera plus détruite demain. » Ils font beaucoup de promesses. Et puis rien ne se passe, alors les gens se mettent à détester les médias. C'est déjà assez difficile de trouver des journalistes qui ont un esprit critique, qui comprennent les choses. C'est encore plus difficile de trouver des journalistes qui reconnaissent que leur travail n'est pas une libération. Alors ma question c'est, est-ce que vous voyez une tendance en ce sens dans le journalisme ? Pour moi ce n'est pas le cas. Si Yong continue à faire des films comme celui-ci, et que moi je puisse continuer encore quelques années, vous ne verrez peut-être pas un changement, mais au moins il y aura une possibilité de changement. Moi je ne suis pas un optimiste quand il s'agit du Moyen-Orient. Et toi ? Excuse-moi, Tom, je pose des questions à ta place. Je sais que c'est un cliché de le dire, mais l'histoire a un côté circulaire. Et c'est l'expérience que j'ai eue en faisant ce film. Donc, moi, je ne suis pas sûr. Je le dis dans le film, mais je pense de façon plutôt ennuyeuse. Il y a deux choses importantes. La première, c'est l'injustice. Il faut arrêter de proposer la démocratie aux gens. C'est une question d'injustice. La deuxième chose, et je n'aime pas le dire car cela ressemble à quelque chose que dirait Tony Blair, il faut de l'éducation et encore de l'éducation. Et s'il vous plaît, il ne faut plus d'armes. Ce que j'ai entendu dans la question, c'est une critique tout à fait légitime d'une certaine pratique du journalisme. On entre chez les gens au pire moment de leur vie, et pendant qu'on est là, d'une façon ou d'une autre, on leur promet quelque chose. Pour ma part, je fais attention de dire chaque fois aux gens, ce que nous faisons ne va pas changer grand-chose pour vous, mais je pense que le reste du monde doit savoir ce qui se passe. Ça me surprend toujours de voir à quel point les Arabes, mais aussi les Israéliens, veulent que vous racontiez leur situation au reste du monde. C'est une chose incroyable, et ça vaut la peine de passer 20 secondes à le dire. Si vous êtes journaliste, et si vous allez dans un hôpital aux États-Unis, au Canada ou en Europe, et si vous demandez de parler à un blessé, on va vous traiter de vautour. Au Liban ou en Égypte, le chef de clinique vient à votre rencontre, vous conduit à son bureau, il vous offre du thé, puis il vous emmène tout de suite voir le patient. Il vous présente au médecin et à la famille, et les patients sont tellement accueillants. Je n'arrête pas de le répéter aux gens, et ça m'est arrivé au Liban il y a moins d'un mois. Vous n'êtes pas obligé de me parler si vous ne voulez pas. Le type m'a répondu, « Non, non, je veux parler de ce qui s'est passé. » C'est une différence qui vous en dit autant sur la société occidentale que sur celle du Moyen-Orient. Et les Israéliens sont comme ça aussi. Si vous vous rendez dans un hôpital israélien, on vous laissera entrer. Question, au fond. Je voulais vous remercier de votre travail. Both our works, I hope. Yeah, both of your work, but I mean, especially you, because you know. Votre travail à tous les deux, mais particulièrement le vôtre, parce que ce que vous faites est risqué. Ce que je dois savoir, c'est comment votre vision du monde a évolué tout au long de ces années. Monsieur Chang vient de dire qu'il pensait que l'histoire était cyclique. Lorsqu'on voit ce qui se passe derrière les rideaux des empires, il y a des pays qui ont été de grands libérateurs, puis ils construisent la machine militaire la plus néfaste qu'on ait jamais vue. Where do you stand on... Talking about Mr. Trump, by any chance? Not Mr. Trump, the history. Pas Monsieur Trump, toute l'histoire des présidents. Mes parents ont dû quitter leur pays respectif à cause de ce que les États-Unis ont fait à leur économie. Et ça, ça n'était pas Trump. Alors je voulais vous demander, comment voyez-vous la nature humaine et quel est votre jugement définitif sur l'histoire? Vous avez 6 minutes. Je n'ai pas de vision du monde. Je suis trop proche du terrain. Je suis là à enregistrer l'histoire sur place. C'est à vous, quand vous voyez des films comme le sien, ou si vous êtes en mesure de lire ce que j'écris, c'est à vous d'amener le changement. Tout ce que nous pouvons faire sur ce que nous appelions avant la pellicule ou le papier, c'est de dire, prenez tout ça au sérieux. Soyez conscient du fait qu'il y a une autre version de l'histoire, qu'elle n'est pas aussi simple qu'on veut bien vous le dire. Ce qui se passe au Moyen-Orient est un scandale qui concerne tout le monde. Non, je pense que c'est une très bonne réponse. Je ne veux pas la salière avec des idées stupides. Encore une question. Hi, so we're kind of living in a vaguely scary new post-truth hysteria world. Nous sommes dans un monde un peu effrayant d'hystérie et de post-vérité et d'idées fausses sur les fake news. Et je fais un master sur l'économie des médias. Je lis beaucoup d'ouvrages disant que les gens font plus confiance aux données qu'aux journalistes. So, what do you guys think about that? Que pensez-vous de ça? You first. Wow, that's a big question. Bonne question. Well, I think of myself as a storyteller. I think of myself as someone. J'estime être un raconteur d'histoire. J'essaye de m'intéresser à l'actualité à travers les gens et les émotions. Je ne comprends pas vraiment le big data. Je sais que c'est utile. Je sais qu'on l'utilise même dans mon domaine pour essayer de comprendre qui regarde ce que nous produisons. Bien sûr, je suis à l'opposé de cette notion. Je n'adhère pas vraiment à cette idée qui voudrait que nous soyons tous prévisibles, que c'est une question de statistique. Je ne sais pas grand-chose là-dessus. Je me contente de raconter des histoires. My response to your question is that I say this to all people who spend their time staring at social media. Ma réponse, et c'est ce que je dis à toute personne qui passe du temps accroché aux médias sociaux, ne perdez pas votre temps. Si vous vous intéressez vraiment au Moyen-Orient, prenez un billet d'avion, ça ne coûte pas si cher que ça. Allez sur place et faites-vous votre propre opinion. Je ne vous dis pas d'aller en Syrie ou en Irak ou d'aller voir Daesh. Sur place, vous pouvez rencontrer les Palestiniens, aller en Cisjordanie occupée. Vous pouvez entrer à Gaza, aller en Israël. Il faut aller en Israël. Vous pouvez aller au Liban, aller en Jordanie, parler aux réfugiés palestiniens dans les camps à l'extérieur de la Palestine. C'est ce que tu as fait avec ton équipe. Tu es venu au Moyen-Orient, tu ne savais pas grand-chose sur la région et tu as appris beaucoup de choses. Robert, pour conclure, quand vous parlez à de jeunes journalistes, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? I think that so many newspapers now are so bad. Je ne peux pas donner de conseils aux jeunes journalistes. Il y a tellement de mauvais journaux actuellement, je ne peux pas leur conseiller d'y travailler. Avant, les journaux britanniques, quelle que soit leur ligne politique, je pouvais en dire « ça c'est un bon journal, ça c'est un mauvais journal ». Maintenant, ils sont tellement à droite que je pense qu'ils profèrent des contre-vérités. C'est très difficile. D'accord, il y a le New Yorker. Moi, je lis le Toronto Star. Ça ne vous étonnera pas si vous y réfléchissez. Je ne lis pas l'autre journal de Toronto. Et, disons-le en passant, vous pouvez essayer de lire l'Independent ou vous pouvez essayer le New Yorker. C'est très dur. Quelquefois, je conseille de lire des livres. Les livres se vendent bien. Les gens reviennent aux livres. Ils se rendent compte de la quantité d'insultes et de choses scandaleuses qu'on trouve dans les médias sociaux et sur les sites. Les livres électroniques ne se vendent plus, eux, en Grande-Bretagne ou en Europe. Plus personne ne veut de livres électroniques. Young, vous avez passé plusieurs mois avec Robert. Est-ce qu'il y a une question que vous ne lui avez pas posée? Je ne pense pas. Nous avons beaucoup parlé. De mon point de vue, il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre dans le film. Il y a tant de choses merveilleuses. Des poursuites en voiture. Tant de choses sympas. Non, c'est une longue histoire. C'est un long film. Nous avons beaucoup tourné. Ça s'est passé sur un certain nombre de mois. J'ai l'impression que c'était des années. En tout cas, merci messieurs pour ce débat. Je veux simplement vous dire que c'est un très bon film. Rendez-vous dimanche soir sur RTS2 pour découvrir le documentaire que le réalisateur Yong Chang a consacré au journaliste Robert Fisk. Cette langue molle, usée et facile se réduit à de gros titres très courts. On est tellement habitué à ce genre de titres qu'on ne les lit même plus. Malgré tout, ils nous imprègnent. C'est la désémantisation de la guerre. On parle d'affrontement plutôt que de tuerie, comme si c'était un phénomène naturel, un tremblement de terre ou une inondation. De pauvres Palestiniens tués dans un affrontement. On dit peuplement plutôt que colonisation. Le projet de peuplement israélien en Cisjordanie est en fait un projet de colonisation, c'est tout. Un mur qu'on peut voir, filmer et toucher est qualifié de clôture ou de barrière de sécurité. En changeant de mots et en modifiant la langue, on fait oublier que c'est une guerre qui vise à coloniser, spolier des terres et tuer. Autrement dit, on transforme délibérément un conflit politique majeur par les mots. On le désémantise pour en faire quelque chose qui n'a plus de lien avec la réalité. Résultat, celui qui lit ce genre d'article, pour la première fois ou non, se désintéresse de tout ça, ne comprend pas ou ne connaît pas le contexte. Ou pire encore, il dit, visiblement, c'est la faute des Arabes. Malgré toutes les photos qu'on peut voir, rien ne nous prépare à la réalité. Ce mur de béton massif plus haut et plus long que celui de Berlin est toujours désigné par nos collègues comme une clôture ou une barrière. C'est fou. Cette semaine était réalisée par Christian Moreau. Le thème de notre semaine prochaine sera consacré aux crimes écologiques, une enquête exceptionnelle en 4 épisodes qui nous conduira du Guatemala en Inde en passant entre autres par la Tanzanie.